BFM à Mons sur le 106.9. Experiment. Thank you. assez. Expérience. Bonsoir à tous, bienvenue sur UFM, il est 18h07 et c'est le retour d'Experiments, votre rendez-vous mensuel des passionnés de musique aventureuse hors des sentiers battus. On vient d'attaquer les hostilités en force avec un morceau du trio Carter Tutti Void, composé comme le nom l'indique de Chris Carter, Cozy Fanny Tutti et Nick Void. Les deux premiers membres sont donc couple légendaire de la musique électronique, parmi les membres fondateurs de l'incontournable groupe de musique industrielle Trubbing Gristle, pionniers du genre, qui ont complètement changé le monde de la musique contemporaine dans les années 75, et qui par la suite, avec leurs autres projets, Chris & Cozy et Carter Tutti, ont poursuivi leurs activités. Ici, c'était donc en trio avec Nick Void, membre du groupe Factory Floor. Le morceau s'intitulait F is 2.3, issu de leur nouvel album FX, sorti cette année, il y a quelques mois, sur leur propre label Industrial Records. Voilà, c'est Raoul Piuc aux commandes, à la programmation et à l'animation d'Experiments. En solo pour ce début d'émission, je serai rejoint bientôt par mon comparse Nick Deck, qui est légèrement en retard aujourd'hui. Alors on va poursuivre les hostilités avec Pacific 231, le projet du français Pierre Jolivet, installé en Irlande. Sur ce morceau, en collaboration avec le russe Igor Potsukailo, alias Bardon Aesthetic Cube. C'est donc un album intitulé The Traditions of Changes, qui est sorti l'année passée sous l'excellent label gantois Silken Tofu, label mêlé de main de maître par notre ami Wim Powells, que je salue au passage, et label sur lequel on peut retrouver une tonne d'artistes, tous excellentissimes, aussi bien de la scène ambient, industrielle que noise, parmi lesquels on peut citer Anemone Tube, Last Dominion Lost, Barchan, Conyer, Z, Troom, Walker, Yannick Frank. C'est parti. Thank you. Thank you. table, vous êtes un parfait crétin. Mais vous avez réussi à me perdre. Experiments. Voilà, on vient de s'écouter l'artiste Blank Mass, projet solo de Benjamin John Power du groupe Fuck Buttons, un groupe plutôt rock basé à Bristol. Ici, il s'épanouit dans son registre électronique avec le morceau Dead Format, issu de l'album Dumb Flesh, qui est sorti cette année chez l'excellent label de Brooklyn, Sacred Bone Records. Vous avez déjà diffusé d'autres artistes auparavant de ce label ? De mémoire, je me souviens de vous avoir passé un extrait de l'album du cinéaste John Carpenter, ainsi que Margaret Chardietz. Donc, quel est encore ce projet Power Electronics de Margaret Chardietz signé chez Sacred Bones, c'était Pharmacon. Et je vous propose de rester dans cette nébuleuse Sacred Bones avec l'artiste que nous allons vous passer tout de suite, c'est Destruction Unit. Ici, on sera dans un registre plutôt psychédélique, garage, voire carrément noise rock. Un groupe qui nous vient d'Arizona, le morceau s'intitule Judgment Day, et c'est un extrait de leur tout nouvel album Negative Feedback Resistor. C'est parti. jamais. Thank you. Experiments. I have one simple request, and that is to have sharks with frickin' laser beams attached to their heads. Experiments. Voilà, on écoutait juste à l'instant le groupe Can avec le morceau Feather Cannot Yet. Cannot Yell. Alors c'est un des premiers enregistrements à l'époque, ils vivaient dans un château avec le chanteur, et ils possédaient leur matériel d'enregistrement, et ce chanteur-là s'appelait Michael Mooney. Et on retrouve ce morceau-là sur Monster Movie, et bon ben, Can, c'est tout de même un des groupes fondateurs du groot rock qui a influencé énormément de groupes, c'est les prémices du rock expérimental. Et avant ça, on écoutait AMM, avec le morceau After Rapidly Cycling de Plaza, qui est un extrait seulement, parce que c'est plutôt une partie d'un concert. On retrouve ça sur l'album AMM Music, et c'est enregistré en 1966, réédité en 96 sur RER Matchless Recordings, par les soins de Chris Cutler. Alors dans AMM, on retrouve des gens comme Eddie Prévost aux percussions, Lou Gehr au saxophone, violon, Cornus Gardu au piano, violoncelle, et Keith Rowe à la tabletop guitare, ainsi que Laurence Schaeff au cello, à l'accordéon et clarinette. Donc Keith Rowe, ça, c'est un guitariste qu'on vous a déjà parlé, je pense. Et on peut écouter plein de choses de ce gars-là, qui a influencé énormément de gens aussi, comme Ranan Barshi et d'autres. Et maintenant, passons à un peu de douceur. Oh yeah! Yeah. Ouais. We'll be right back. Ouais. Tout le monde se fout de ta gueule, tu sais que t'es un naze. Experiment. Voilà, on vient de s'écouter UFO Mammut Power Trio italien qui officie dans un registre doom sludge bien puissant. Le morceau c'était Temple et c'était un extrait de leur dernier album EKT sorti cette année chez Neurot Recordings, le label des incontournables Neurosis. Juste avant ça c'était Corpo Mente avec le morceau Dulcine issu de leur album éponyme sorti l'an dernier chez Blood Metal, un label de metal finlandais. Et Corpo Mente, ce n'est autre qu'un groupe dont le membre fondateur est Gauthier Serre, alias Igor. Alors maintenant, on va passer à Derek Bailey et DJ Ninja avec le morceau NJZBM Remix. Alors sur l'album Guitar Drum and Bass, label Disc Union en 1996. Alors Derek Bailey, bon, je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés à tout ça, on ne le présente plus. Bon, on va tout de même dire un mot, c'est... Voilà. Ouais. Bon, alors, ouais. Donc, Derek Bailey est un guitariste qui a commencé sa carrière vers le milieu des années 60, pour nous quitter il y a maintenant une dizaine d'années, je dirais. Alors, on trouve une production énorme. Il a joué avec Anthony Braxton, Derek Bailey, John Zorn, Fred Frith. Une clique énorme. Et donc là, on parle bien de Derek Bailey, là. Oui, oui. Tu viens de dire il a joué avec Derek Bailey. Ah, pardon. Un bug. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, bah, des fois, il joue avec deux manches. Ça peut arriver. Ou alors, il y a peut-être parfois des scissions avec l'humain. Bah, il fait des projets collaboratifs avec l'humain. Voilà. Et donc ici, j'ai une collaboration un peu différente où il avait d'abord enregistré la guitare et après, DJ Ninja avait remis de taper des rythmes drum and bass sur cela. Alors, on va s'écouter un petit peu de ça. C'est parti, Derek Bailey dans Experiments, il est 19h sur UFM, 106.9 sur la bande FM, ufm.be sur le web. We'll be right back. Purée. Ça, c'est... Experiment. Voilà, à l'instant, c'était Franck Riggio dans Experiments sur UFM. Franck Riggio, artiste français, signé sous le label Imen Records, qui n'est autre qu'un sous-label d'Anzen. Franck Riggio avec son morceau M92-M108, extrait de son nouvel album PsyXS2 Futurism, sorti en 2015. Juste avant ça, Nico... Alors, juste avant ça, on écoutait Ensturzen Dene Boten, un groupe qu'on ne présente plus, je pense, à nos auditeurs. En effet. Avec le morceau Pigman, un de leurs morceaux de leur début, ça date de 81, et on retrouvait ça sur un EP Kalte Stern, sur le label Zigzag. On le retrouve aussi sur la compilation de Wire pour les 20 ans de la revue, voilà, ainsi que AMM, on pouvait le retrouver aussi sur cette compile. Encore un autre groupe pionnier de la musique industrielle au même titre que Trubbing Gristle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on va enchaîner avec Nene Cherry, pour ceux que ça surprenne, vous allez vite vous apercevoir que ce n'est pas un choix si curieux que ça dans la programmation d'Experiments. Je trouve que ce morceau se prête tout à fait à l'atmosphère de l'émission et c'est un extrait de son dernier album Weightless. Non, pardon, le morceau c'est Weightless et son dernier album c'est Blank Project, sorti chez Small Town Supersound. Et ce morceau-ci a été coécrit et co-enregistré au même titre que bon nombre des morceaux de l'album avec le duo Rocket No. 9. C'est bon. Parti. En même temps, pour info, Nene Cherry avait commencé dans le post-punk dub avec Rick Rick and Panic, donc on ne peut pas être surpris non plus. Exact, elle a toujours été active dans des registres un peu alternatifs en fait, bien qu'on la connaisse surtout pour ses albums pop et ses gros succès. Allez, c'est parti! Takes too long. Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetin. Experiment. Ein Chilene, wir werden weiterkämpfen. Wir werden uns nicht beugen. Wir werden kämpfen, selbst mit den nackten Händen. Ich gehöre keiner Partei an, aber auch ich bin ein Anhänger Allendes. Und selbst obwohl er tot ist, für mich lebt er weiter. Ich habe einen kleinen Sohn. Ich werde ihn in diesem Sinne erziehen. Genossen, Kollegen, überlasst Chile nicht den Konzernen. Überlasst nichts den Konzernen. Hier nicht und da nicht. Denn für die Konzerne hört der Spaß immer da auf, wo unsere Freiheit anfängt. Die Solidarität mit dem chilenischen Volk. In allen Städten der Bundesrepublik organisieren Chile Solidaritätskomitees den Kampf gegen die Militärjunta. Denn euer Kampf gegen den Faschismus in Chile ist auch ein Kampf gegen den Faschismus hier. Freiheit für Luis Corvalán! Genossen, Kollegen, nicht lange überlegen, in die Hände gespuckt und ran! Genossen, Kollegen, nicht lange überlegen, in die Hände gespuckt und ran! Oh yeah! I think inspires quite like that. I don't wanna catch. These groups, the singers sing that, they appeal to everyone when I sing about love, because apparently everyone has or can only love. Yesterday I said to myself, also they have your belief anyway, but these groups and I feel like a little on its back. They go along with what the belief that love is deep in everyone's personality. I don't think we're saying there's anything wrong with love. We just don't think that what goes on between two people should be shrouded in mystery. Experiments, nous sommes toujours là. J'espère que vous êtes fidèles au poste et que vous appréciez notre sélection du mois. Et on s'écoutait juste avant cette petite parole. Gang of Four avec le morceau Anthrax sur l'album Entertainment sorti en 79. Et oui, aujourd'hui je suis un peu dans ma phase historien de la musique. Et c'était sorti sur EMI, et c'est donc Gang of Four, c'était un groupe post-punk de Leeds. Et maintenant, de ce qui reste de la formation de base, il y a un album qui vient de sortir en 2015, What Happened Next, qui est dans une approche plus pop et un peu électro. Et avant ça, on s'écoutait Flotte Cologne avec le morceau Des Volkes Fesseln. Alors c'était sur l'album Mumien en 1975 et La Belle Plaine. Alors Flotte Cologne, c'était un collectif théâtral de satire avec des éléments de rock fort impliqués dans les mouvements communistes et qui avait fort soutenu, dont il parle dans ce morceau-là, les immigrés chiliens qui avaient dû fuir le Chili suite au coup d'État aidé par la, on ne va pas le dire, contre Allende. Yep, alors on va enchaîner avec Clipping, le trio basé à Los Angeles, composé de David Diggs, Jonathan Snipes et William Houston. C'est un trio qui pratique le noise rap. Vous allez entendre, ça arrache pas mal les tympans. Le morceau s'intitule Loud et est un extrait de leur premier album Mid City, sorti en self-release en 2013. Et j'en profite pour saluer au passage un copain qui a réalisé la plupart des vidéoclips, je pense, de Clipping. Peut-être pas tous, mais en tout cas une bonne partie, et qui s'appelle Larry Klein. Allez, c'est parti, Clipping. Yeah. Spit my raps and get my dick sucked. We done came to LA trying to get bucks, so I could spend them on something to put in this cup. Fill me up, gas tank on E, and so is she, and so may we. Menage a three, or is it really six of ya? I've been compensating for double vision and listen now. Which way to the front door? I've been here for way too long, I got here at four, and it's four now. Or do I mean 8. Fuck it, there go my partners, we finna levitate. Dreams like a motherfucker, drank like a motherfucker. Which motherfucker wanna try to break a motherfucker? Wow, like who the motherfucker now? I'm so turned up, can't turn me down. Can't turn me down. Can't turn me down. Nope, can't turn me down. I'm so turned up, please turn me down. I need my shit loud, loud, loud, loud, loud, loud. Now I need my shit loud, loud, loud, loud, loud, loud, loud, loud. I need my shit. We looking for the downest bitch, the bottom as we call her, the follower like a doctor prescribed it. Hands off, man, avert your eyelids. Or get the full magazine if you feeling like subscribing. Powder like a motherfucking snowstorm. Bitch says you wanna keep her throat warm. I told her better drop it low as it go. This sterno is no normal. Drinking, I need to see something, baby. How'd I go get it is nothing, baby. We nothing. Where'd you go? Where'd I go? Shit, I can't feel my legs. I need another one. Pass me the drink like a motherfucker. Drink like a motherfucker. Which motherfucker wanna try to break a motherfucker? Wow. Like who the motherfucker now? I'm so turned up. Can't turn me down. Can't turn me down. Can't turn me down. No, can't turn me down. I'm so turned up, please turn me down. I need my shit loud. Now I need my shit loud. I need my shit. Okay, for real though, the lights out but I still glow. I can't see but I still go. I'm chill but I could kill though. It's nil though, it's not though. These chicks say they from Oslo. Brought white girl by the Costco. I said I like mine's raw though. They ripped up they rubbers. I say bitch you must be tripping. I'm dipping dotting I's and crossing T's and it ain't tricking. If I want it, I wanna marry. Fuck, there I go again. The dopest motherfucker ever tumbled out fallopians. Dreams like a motherfucker, drank like a motherfucker. Which motherfucker wanna try to break a motherfucker? Wow. Like who the motherfucker now? I'm so turned up, can't turn me down. Can't turn me down. Can't turn me down. No, can't turn me down. I'm so turned up, please turn me down. I need my shit loud. Now I need my shit loud. Now I need my shit. Purée. Ça j'aime. Expérience. We'll be right back. experiments. Gary Burns. On s'écoutait Garibaldi avec Fresh Fruit and Icebergs. C'est un groupe italien et ce morceau-là est fait partie au fait du répertoire de Blue Cheer, un groupe dont je vous avais parlé, qui était un groupe de la fin des années 60-70 californien. On retrouve ce morceau-là sur une tribute qui s'appelle Blue Explosion, à ne pas confondre avec Blues Explosion. Et c'est sorti en 2000 sur le label Black Widow, où on retrouve également UFO Mammouth, dont vous parlez Raoul plus tôt dans l'émission. Yep. Et avant ça, on écoutait Les Tueurs de la Lune de Miel avec le morceau Atta. On peut retrouver ce morceau sur la version deluxe rééditée il y a peu de l'album spécial Manoubré, sorti sur le label de Marc Moulin. Et en même temps, très vite, ils ont changé de nom en s'appelant Honeymoon Killers. Et là, alors, on pouvait retrouver des enregistrements d'Honeymoon Killers sur Cramé Disc du label de Mark Lander. Ok, alors on retourne au registre Noise Rap de tout à l'heure avec Clipping, avec cette fois le groupe Moody Black et leur morceau Inomatic, issu de l'album Sana Sana. Sorti en self-release en 2011, Moody Black, c'est un groupe qui s'articule autour de son membre fondateur Chris Martinez, et qui sont une référence incontournable à mes yeux dans la scène Noise Rap en ce moment. J'ai eu la chance de les voir en concert à Courtrai, au De Creune, en première partie de Dalek. Si vous aimez le hip-hop bien couillu, allez-y foncer. Dès que vous avez l'occasion de les voir live, n'hésitez pas. C'est parti, Moody Black. Hit the play button, hit the play button. In the freezer and see sheep. Your favorite rhyme, give me dab beside of the lip. They had me whip for about 0.15 cents. And no one ever that ill. A fucker kick in the snare. It's more than a feel. I'm bearing with it. I does it all. No effort born. No crooked lawn jawed. At the end of my bones, bone for all the jaw. Little closer to dust, long combust. Not ever rust, but steady with trust. Lust for real shit. Only difference never been. It's an end. I it's so nigh. Not a surprise. You're going lines across. How many tracks can you pull up before you soar? But so only ignore shit. I don't know. We'll be right back. experiments. This earth will grow cold, a star among stars, and one of the smallest, a gilded mote on blue velvet. I mean this, our great earth. This earth will grow cold one day, not like a block of ice, or a dead cloud even, but like an empty walnut it will roll along in pitch black space. You must grieve for this right now. You have to feel this sorrow now. For the world must be loved this much if you're going to say. If you're going to say. I live stand in the advancing light. My hands hungry, the world beautiful. My eyes can't get enough of the trees. They're so hopeful, so green. A sunny road runs through the mulberries. I'm at a window of the prison infirmary. I can't smell the medicines. Carnations must be blooming nearby. It's this way. Being captured is beside the point. The point is not to surrender. On écoutait Oiseau Tempête avec le morceau Utopia On Living en collaboration avec Jay Sock, ex-chanteur de DX, homme de théâtre. Et on retrouve ça sur leur dernier album ainsi que sur l'excellente compile que je vous conseille, éditée par la revue New Noise et qui s'appelle New Noise in France. Et avant ça, le groupe Mars, là on est plutôt dans la No Wave, et alors c'était le morceau Ellen Forsdale sur l'album 78 Plus sur le label Atavistic, et on retrouve également ça sur New York Noise Dance Music from the New York Underground 78-82 sur Soul Jazz Records. Et pour terminer l'émission, on va s'écouter Uneven Eleven Hologram, sorti sur Sobrosa en 2015, enregistré au Café Otto. Et voilà ce qui nous mènera à la fin de ce voyage sonore du mois. J'espère que vous avez apprécié ces deux heures autant que nous. Et on espère vous retrouver fidèle au poste le mois prochain. Toujours le deuxième dimanche, ce sera donc cette fois le 8 novembre. C'est parti, Experiments, un dernier morceau, puis au revoir. Ensuite, vous pourrez retrouver Balou et son équipe pour leur émission Radioactivity. Bye. Oh yeah.